Merci d'écouter la première. Très bel après-midi. Voici Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il avait 20 ans? Il savait pas. Alors j'ai dit, mais je crois que je viens de jouir la première fois de ma vie. Ah, mais tu savais pas que les femmes pouvaient jouir. Cette semaine, féminisme et résistance. On a de nouveau parlé de traumatisme. Je dis qu'il est plus traumatisant, et toutes les femmes le savent, d'élever des enfants que d'avorter. Chaque femme doit se faire avorter dans les conditions qu'elle souhaite. Portrait de femme au combat. Delphine, elle avait toujours des idées d'action, de film, mais des idées d'action. Et ça, moi, c'est ce qui m'a beaucoup manqué, et c'est ce qui me manquera toujours depuis qu'elle n'est plus là. Charlotte, Delphine, Carole et les autres. Histoire vivante, cette semaine, féminisme et résistance. Aujourd'hui, entretien avec Callisto McNulty, réalisatrice du film Delphine et Carole insoumuses. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Oui, je suis Callisto McNulty, je suis réalisatrice, traductrice et je fais aussi des projets d'édition. Et là, je viens de réaliser Delphine et Carole insoumuses, qui est mon deuxième film, et qui sera présenté à la télévision, à la RTS, en juin. Quand on a plusieurs cordes à son arc, on peut faire l'aveu d'ailleurs plus facilement qu'avec ses enfants qu'il y en a un qu'on préfère. Avez-vous une préférence parmi toutes ces activités? Je dirais... Ou sont-elles complémentaires? Oui, je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie. Tout dépend du projet que je développe. Et justement, j'aime avoir cette liberté. Je trouve qu'il y a certains projets qui se prêtent mieux à l'écriture et d'autres à l'image et au son. Et en l'occurrence, cette histoire des femmes, pour moi, était très importante de mettre en image à travers des archives visuelles. Quel est votre fil rouge, d'une manière générale? Y a-t-il des thèmes au-dessus d'autres, est-ce que vous les avez déjà identifiés? Parce que ça ne sera pas faire mystère que d'avouer que vous êtes assez jeune. Oui, j'ai donc pas dit que j'avais 28 ans dans ma présentation. Oui, c'est oui, aussi mais un autre... cette discrétion vous adore. Voilà. Mais vous savez bien ce que c'est, les médias veulent tout savoir. Est-ce que vous avez déjà un petit peu réfléchi à vos propres thèmes et compris ce qui vous plaisait, attirait ou que vous aviez envie de creuser? Oui, je pense que il y a quelque chose qui se dégage, je pense, de tous les projets que j'ai pu mener jusqu'ici, et c'est une certaine attention à des histoires qui sont souvent dévalorisées ou auxquelles on prête peu attention. Donc l'histoire des femmes, par exemple. Les hérissons, les gauchers, sont des sujets qui vous intéresseraient? Alors, les hérissons, pas tellement. Mais les gauchers? Oui, je suis gauchère en plus. Bienvenue au club. Voilà. Mais par exemple, j'ai réalisé une exposition, donc j'ai fait le commissariat d'une exposition qui s'appelle Biblo et qui réunissait les pièces de 33 artistes autour de cette idée du bibelot, du petit format visuel, et non d'une attention portée à des choses du quotidien, à l'ordinaire, et sous forme de tableaux ou de vidéos. Donc ça, c'est des exemples de cette attention-là qui m'intéresse. Et vous faites de la photo? Je fais un peu de photo, mais ouais. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui, aujourd'hui... Mais vous choisissez plutôt le détail que le panoramique? Voilà, plutôt le détail. Ouais, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans le détail? Je pense que dans le détail, il y a quelque chose qui échappe à la norme, en fait. À mon avis. C'est-à-dire que dans mon quotidien, je pense que je ne prête pas suffisamment aussi attention à certains détails, parce qu'on est un peu façonné dans notre société à ne pas regarder, à un peu ne pas se questionner sur des habitudes, des coutumes, des normes. Et donc, c'est finalement un peu une méthode que j'essaye de me forcer à appliquer aussi pour ne pas avoir des œillères et m'ouvrir à ces détails. Et ça rejoint pour moi surtout aussi le féminisme. Il faudra peut-être enlever le mot détail parce que ça risque d'être mal pris. Voilà, non, là, voilà, c'est pas un détail, mais on va dire que si on. En tout cas, ça s'est présenté comme ça, on est à l'école. On n'a pas de cours sur l'histoire des femmes. Les chasses aux sorcières, c'est en 2 minutes. Donc, c'est quand même une histoire, des mouvements qui sont pas spécialement mis en valeur, même au sein de l'éducation nationale en France. Donc, c'est pas des détails et ça ne devrait pas en être. Voilà. C'est plutôt de renverser un peu le statut de ces images ou de ces histoires ou de ces voix pour qu'elles n'en deviennent pas des détails, mais qu'elles aient leur importance. Il s'agit aussi d'une question de distance que l'on peut avoir, je pense et je l'imagine, par rapport à l'objet que l'on regarde. Le détail suppose que soit on s'est équipé de quelque chose, lentilles, lunettes, longue vue, que sais-je, microscope, pour s'approcher artificiellement ou naturellement de ce qu'on observe, et du coup voir sans doute avec un peu plus de précision qu'une vision à moyenne, voire haute altitude. À ce sujet-là, les historiens eux-mêmes ont fait ce travail. Je pense à la micro-histoire, tout un courant qui se développe dans les années 70, notamment en Italie, qui ont tenté par certains travaux d'aller chercher au plus près de l'herbe ce qu'était véritablement l'état des lieux d'une vie paysanne, d'une ferme dans telle ou telle région. Est-ce que ce type d'approche, ça vous parle instinctivement ? Oui, ça me parle. Je trouve que c'est... Il y a aussi les microscripts de Robert Walzer. Calisso McNulty. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'origine de ce nom ? Bah, à l'origine, c'est donc un nom grec de la mythologie. C'était une nymphe, la nymphe de Diane. Et c'est un nom qui a été choisi par mes parents, puisqu'en fait, ma mère est d'origine grecque. Et donc, j'ai un attachement aussi assez fort à la Grèce, puisque j'y vais chaque été depuis que je suis née. Et bon, bah, ils étaient très jeunes quand ils m'ont eu, et ce mot, ce nom veut dire la plus belle, donc je pense qu'ils avaient beaucoup d'attentes. Pas facile à porter, du coup, alors. C'est pas facile. Ou alors c'est un compliment, ou alors c'est une charge. Voilà. Ou les deux. C'est les deux. Voilà. Je pense que c'est les deux. Et la suite du nom, elle est beaucoup moins hellénique. Voilà. Donc, la suite du nom, bah, c'est mon McNulty, donc c'est un nom irlandais, et mon père est anglais-irlandais. Voilà. Donc, je suis assez européenne, quoi. Et grandi en France. Alors, on va parler en effet de ce documentaire à voir dimanche soir sur RTS2. Je vais en rappeler le titre. Non, je vais vous laisser faire. Tiens, redonnez-nous le titre. Après tout, vous êtes l'auteur. Alors, le titre, c'est Delphine et Carole insoumuses. Insoumuses, hein. Ne pas confondre. C'est pas une mauvaise prononciation. Ce n'est pas insoumise, c'est insoumuse. C'est d'abord un projet qui préexiste en 2009. Racontez-nous ça. Oui, donc c'est un projet qui a pour point de départ une maquette qu'avait réalisée ma grand-mère Carole Roussopoulos peu de temps avant sa mort, en 2009, et dans lequel en fait elle rendait hommage à Delphine Seyrig, qui était une grande amie à elle et avec qui elle avait travaillé sur de nombreux projets de films, des actions féministes aussi, dans les années 70. Mais le film qu'elle avait, elle, initié, était plutôt un hommage chronologique sur sa carrière d'actrice et de féministe. Un pan moins connu de la comédienne dont on connaît bien ses rôles dans Truffaut, Marguerite Duras, mais moins l'engagement. Jacques Demy. Exactement, Jacques Demy, Peau d'âne. Et donc c'est un projet qui lui tenait particulièrement à cœur, qu'elle a mené dans l'urgence et elle en a achevé une maquette. Et à partir de cette maquette, on a eu le désir, avec aussi Alexandra et Geronimo Roussopoulos, les enfants de Carole, de le terminer, puisqu'il s'agissait pas de terminer l'œuvre de Carole, qui était un film à part entière, mais disons que ce soit le point de départ d'un autre projet dans lequel on raconterait à la fois cette rencontre entre deux femmes, Carole et Delphine, et leur engagement, et leur vision du féminisme, qui est en tout quelque chose qui, moi, m'inspire beaucoup en tant que femme et en tant que réalisatrice, puisqu'il est plein d'énergie, créative, contagieuse, qu'il est ancré dans les plaisirs de la vie, dans une radicalité, mais aussi quelque chose de très joyeux. Et c'est ça qui me plaisait beaucoup, et que j'avais envie de partager. Et ce magnifique mot d'insoumuse, et oui. Qui l'invente? Alors, c'est un néologisme qui a été, je crois, inventé par mon grand-père, Paul Roussopoulos, qui, un jour, s'était trompé en disant le nom d'un des collectifs que Delphine et Johanna Wider avaient inventé, qui s'appelait Les Muses s'amusent. C'était un collectif vidéo. Et il s'est trompé, il a dit insoumuse. Et donc, c'est resté, et c'était un très beau nom, qui, avec cette idée de la muse rebelle, quoi. Une fois encore, c'est avec les erreurs que l'on fait parfois de la création. Alors, remettre ça, non pas remettre en ordre, mais retracer une autre perspective et permettre effectivement d'entrouvrir quelque chose que l'on connaît mal. Je dirais deux choses que l'on connaît mal. Une que l'on connaît mieux c'est le chapitre des mouvements féministes de l'après 68. Ce que l'on connaît moins, effectivement, c'est le travail très spécifique qu'engage Delphine Seyrig avec, à ses côtés, votre grand-mère. Et pour cause, sachant que vous, vous avez eu accès à des archives qu'on n'avait jamais vues, et quand on va dire archives, on donne quelques rendez-vous pour donner un ordre d'idée, apparaîtront dans les archives, dans toute cette matière-là, des figures comme Jeanne Fonda, Maria Schneider, Ellen Burstyn, et quantité de femmes anonymes qui viennent, avec parfois de très grands moments de monologue exceptionnels, sur comment j'ai appris à jouir après un certain temps avec mon compagnon, qui sont absolument irrésistibles. La première fois qu'on a eu des rapports, bon, bah, ça s'est passé comme avec mon mari, j'ai rien eu. Bon, alors, sexuellement très puissant, il a recommencé 3, 4 fois, 5 fois. Au bout de la 6e fois, bon, il est arrivé une chose que moi, pendant 5 ans, j'ai cherché, j'ai jamais trouvé. J'ai joui, j'ai pleuré, enfin, j'étais vraiment... Il m'a regardé comme ça, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il avait 20 ans, il savait pas. Alors j'ai dit, mais je crois que je viens de jouir la première fois de ma vie. Ah, mais tu savais pas que les femmes pouvaient jouir. Voilà, c'était une matière qui était quoi, inerte, morte, enfin dans un tiroir? Non, elle n'était pas inerte, morte, mais elle était au centre, enfin une partie de cette matière, donc les films qu'elles ont réalisés dans les années 70, se trouve au centre du visuel Simone de Beauvoir, à Paris. Et c'est un centre qui a été justement fondé par Delphine Seyrig et Carole Roussopoulos et aussi Johanna Wieder, et qui visait en fait à réunir tous ces documents audiovisuels et des films sur les femmes ou faits par des femmes pour se constituer une archive féministe de, comme diraient aujourd'hui les féministes anglo-saxonnes, pas une history, mais her story, une histoire écrite au féminin. Et donc ils sont visibles, ces films. Mais on le voit, il s'agit maintenant aussi de les restaurer et de les rendre, de les diffuser, parce que, comme souvent, ces archives-là restent assez marginales et ne sont pas accessibles partout. Et donc, c'était important aussi d'en faire un film qui serait ensuite avec des extraits de ces films. Parce que l'idée, c'était pas d'être exhaustive. J'avais pas envie de raconter le féminisme des années 70, 80, avec toutes ces figures. Il y a beaucoup de femmes qui se sont impliquées dedans. Plutôt de montrer quelques aspects qui, moi, m'intéressent particulièrement et qui ont aussi un écho aujourd'hui avec ce qui se passe, quoi. Si l'on devait d'ailleurs prendre le dessus de la pile de ce qui vous a particulièrement plu et de ce que vous avez choisi de retenir, ça serait quoi? Bah, j'aime beaucoup justement la séquence dont vous avez parlé sur cette femme qui parle de la jouissance. Je trouve que c'est une très très belle séquence où elle parle comme ça très librement et avec beaucoup d'humour aussi. Et très délibérément, c'est-à-dire qu'elle lâche pas, elle pourrait se faire interrompre à 2-3 reprises, mais elle continue, elle a quelque chose à dire et elle va jusqu'au bout. Hein. Il avait 20 ans. Ah, mais c'est pas vrai, Marie-Thérèse, je savais pas. Et alors, génial, à partir de ce moment-là, et là, c'est pour ça que je l'aime, lui, personnellement, et que je, quand même, je ne peux pas lui en vouloir maintenant, c'est le gars qui, au début, est resté 3 heures sur moi jusqu'à ce que moi, je jouisse. M'a câliné, m'a caressé, a été câlin toute la journée, est venu m'embrasser sans arrêt, et est resté pratiquement 3 heures à avoir un rapport avec moi, en se retenant, en s'arrêtant, jusqu'à ce que je jouisse. Sérieux. Jusqu'à ce que... Non, mais c'est vrai, jusqu'à ce que je jouisse. Bon, maintenant, il me faut 3 quarts d'heure. Ou parfois, il me faut une demi-heure. Ben, il n'y a pas beaucoup de gars qui attendent une demi-heure. Et c'est là aussi que les images faites par ces femmes sont très radicales et fortes. C'est qu'on sent que c'était un espace de parole où elles ne coupaient pas la parole, contrairement à la télévision. Ou au cinéma aussi, où ça coûtait cher la pellicule. Là, avec la vidéo, c'était un nouveau médium où, en fait, on pouvait parler pendant... très longtemps et ça coûtait peu cher et aussi une démarche féministe de ne pas parler à la place des autres et donc de que la parole soit libre et ça je pense qu'on le ressent beaucoup avec le témoignage de Marie-Thérèse, elle s'appelle, et il y a un autre extrait que je trouve très fort aussi, et c'est Marie-Thérèse qui avorte, donc le même personnage et qui avorte avec des militantes du MLAC qui pratiquaient des avortements dans des appartements très sécurisés selon la méthode Karman d'aspiration. Donc séquence que je trouve vraiment très forte, puisqu'elle est entourée de femmes qui lui expliquent tout dans les moindres détails, et elle est maîtresse de son avortement, et on voit que, bon, bien sûr, c'est certainement difficile, mais elle le vit avec... Elle le vit pas toute seule, et en même temps, elle est pas passive. Et ça, je pense que c'est quelque chose... Ces images, pour moi, sont très radicales encore aujourd'hui, parce que c'est inimaginable de pratiquer un avortement dans un espace... ailleurs qu'à l'hôpital déjà, alors que ce serait possible dans certains contextes, on pourrait l'envisager et eux le proposer d'ailleurs. Et cette façon de ne pas du tout stigmatiser cette femme qui le pratique et qui a accompagné. On fait savoir que Delphine Seyrig veut intervenir parce qu'elle a suivi, comme c'est la règle du jeu, le débat. Alors pour une courte intervention, le témoin de surprise de ce soir qui est Delphine Seyrig. Oui, moi je sens que je vais pas beaucoup avoir l'occasion de parler parce que évidemment je suis là dans un studio à part, donc je vais dire simplement ce que j'ai à dire maintenant parce que je sens que je n'arriverai plus à placer un mot. On a de nouveau parlé de traumatisme. Je dis qu'il est plus traumatisant, et toutes les femmes le savent, d'élever des enfants que d'avorter. Chaque femme doit se faire avorter dans les conditions qu'elle souhaite. Bon, on a parlé de sexualité vagabonde. Je crois que c'est monsieur le ministre qui a parlé de sexualité vagabonde. Moi, je trouve ça absolument méprisant, je trouve ça odieux. La sexualité des femmes n'est pas plus vagabonde que la sexualité des hommes, et il ne s'agit pas de distinguer entre les jeunes filles qui ont une sexualité vagabonde ou pas. Ça, c'est une chose que je trouve parfaitement écœurante, un terme qu'on ne devrait pas entendre. Bon, on a parlé de donner la liberté. Est-il raisonnable de donner la liberté? Vous êtes tous des hommes, là. Il y a des millions de femmes en France, et on est en train de discuter de savoir si on doit leur donner la liberté, si elles sont capables de prendre leurs responsabilités. En somme, nous sommes des petites personnes inintelligentes, comme des petits chiens qu'on doit promener de telle heure à telle heure, et on ne nous donne pas notre autonomie, l'autonomie de notre corps. Marie va soulever un peu la tête. Attends, Jean-François, change un peu ton éclairage. Mets ton éclairage par là. Ah, c'est drôle, dis donc. Tu le vois bien? C'est drôle, ça fait un petit... Oh là là. Et il est bien ouvert, là. Comme toi, tu vois bien? Voilà, comme ça, elle va très bien comme ça. Et alors ça, c'est le col de l'utérus. Tu vois, normalement, quand tu n'es pas enceinte, le col, il est plus long, plus mince et plus dur. Plus ferme et surtout plus fermé, en général. Tu vois d'ailleurs le sang qui arrive déjà, le sang et le placenta, qui arrive dans la canine. Dans la canine, là. Ça y est. Attention, voilà. Déjà, le fait de bien expliquer la chose, c'est vachement intéressant. Voilà, je t'en prie gentiment. Un extrait de Delphine et Carole Insoumuse, le prochain documentaire d'Histoire vivante à découvrir ce dimanche sur RTS2. C'est parce qu'elle a accroché sans doute une partie. Oui. Et ce qui a changé une main, c'est que ça a déclenché des petites contractions, tu Histoire vivante, cette semaine, féminisme et résistance. Suite de l'entretien avec Callisto McNulty, réalisatrice du film Delphine et Carole Insoumuses. Plusieurs séquences, plusieurs scènes à recommander en découvrant ce documentaire Delphine et Carole Insoumuses, signé par notre invité Callisto McNulty. Notamment cette scène qui m'a fait penser qu'il y avait quand même générationnellement quelque chose qui faisait un saut. Il y a une scène, imaginez un peu le plateau, vous avez Delphine Seyrig qui est là, d'autres invités, et Simone de Beauvoir qui affiche vis-à-vis des autres un visage relativement grave, comme une sorte de présence d'autorité naturelle qui ne saurait être contestée, alors que les autres, et notamment Delphine Seyrig, qui alors là est particulièrement magique, est constamment dans une forme de légèreté, légèreté n'étant pas insouciance, quoique, en tout cas, une insouciance consciente, une insouciance qui réfléchit, une insouciance qui est tout à fait au fait de son époque, de son temps et de sa propre vie. Vous m'avez demandé pourquoi j'étais féministe. Eh bien, moi, je voudrais vous demander aussi à chacune d'entre vous, en somme, quelles sont les origines de votre féminisme? pour vous, Delphine? En 69, j'avais lu des textes de femmes américaines qui avaient déjà s'étaient regroupées, et je me suis aperçue qu'il existait des groupes de femmes à Paris. Et j'ai été les écouter et me mélanger à elles. Et je me suis aperçue, en allant dans ces groupes de femmes et en ressentant cette émotion extraordinaire d'entendre tous les sujets aborder, des sujets dont on parlait avant d'une manière un peu souterraine, un peu honteuse. Tout à coup, c'était des sujets nobles. Tous les sujets que nous avions envie d'aborder étaient des sujets nobles et non pas minables, secondaires, honteux. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce qui était sorti pour moi de 68, c'était pas du tout ce que j'imaginais qui sortirait. C'était ni la forme théâtrale ou la forme cinématographique, c'était le féminisme. Et à partir de ce moment-là, j'ai suivi le mouvement. Je peux carrément dire que j'ai suivi le mouvement. Et j'ai été très... ça a été une grande révélation pour moi de pouvoir ouvertement parler de et comprendre cette rébellion que j'avais toujours sentie en tant qu'adolescente. Et en tant qu'actrice, ça a été inestimable pour moi, puisque j'ai compris ce qui m'empêchait d'adhérer à certaines choses au cinéma et au théâtre. Et à la fois, ça m'a permis de déblayer, de voir clair, d'avoir mes propres jugements, de ne plus me laisser impressionner par les jugements de mes patrons qui étaient des hommes, que ce soit des metteurs en scène ou des producteurs. Tout ça, ça a influencé ma vie énormément et ça m'a donné de la force. Ouais, après je pense que aussi dans cet extrait, on voit Simone de Beauvoir très très rapidement, et puis j'imagine qu'elle devait aussi, elle était très drôle, il suffit de lire ses livres pour voir qu'il y a quand même beaucoup d'humour. Mais c'est vrai qu'on a cette image toujours des féministes comme étant un peu rabat-joie, sacrificielles, donneuses de leçons, et que justement Delphine et Carole et bien d'autres démontrent ce stéréotype-là, puisque une des armes qu'elle utilise pour critiquer le système patriarcal, c'est justement l'humour. Et je pense que c'est ça la puissance de leur film, c'est comment elle combine une critique sociale et l'humour. C'est aussi l'air du temps, non? Parce que on est dans une période où effectivement cet humour un peu vachard, il est très direct, très spontané, très frais, où les slogans les plus inventifs et les plus ahurissants fleurissent tant dans les murs que sur les banderoles. C'est aussi un certain état d'esprit. C'est aussi les Trente Glorieuses, je veux dire, qui sont là-dedans, qui fleurent là-dedans. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose lié aux années 70 aussi, hein. Et moi, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de concentrer le film sur cette décennie-là, qui correspond à la fois aux années de leur rencontre. Donc elles se sont vraiment rencontrées en 74 et c'est là qu'elles ont fait beaucoup de projets ensemble. Mais c'est aussi parce que c'est une période, moi, parce que je l'ai peut-être pas vécue aussi, donc je l'idéalise un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il y avait une énergie particulière, qu'il y avait une... Mais elle se voit, cette énergie. Elle se voit à l'image, ouais. A-t-il été facile ou difficile, peut-être les deux, de convaincre pour que vous arriviez à faire la production de ce film? Quels arguments avez-vous sortis de votre poche pour dire à ceux qui allaient, qui avaient le carnet de chèque, bon d'accord, on y va? Est-ce que ça a été facile ou difficile? Bah, j'ai été vraiment très soutenue, déjà par Sophie Duhigès, la productrice du film, qui avait vu la maquette de Carole et qui a été aussi un élément vraiment moteur dans ce projet-là. On a beaucoup discuté avec elle, avec Alexandra et Geronimo Roussopoulos, et aussi avec Nicole Fernandez-Ferrer du Centre de Visuel Simone de Beauvoir, qui l'ont défendu auprès d'Arte. Et c'est là que Racha Salty, qui est donc à la tête de la Lucarne d'Arte, a aussi été d'un soutien précieux. Donc je dirais que ça s'est fait assez facilement. J'ai Vous pas avez eu des, des ambassadeurs, donc. Voilà, beaucoup de soutien. Je me suis sentie très épaulée. Et, donc je peux pas dire que pour ce projet, c'est été une lutte pour... non, mais beaucoup de femmes qui ont porté le projet. Vous avez déjà eu l'occasion de le montrer autour de vous, cet objet-là? Il y a eu pas mal de projections déjà, donc la première mondiale à la Berlinale, dans le cadre du forum de la Berlinale, donc c'était incroyable. et ensuite en Suisse, au FIFDH, où il a reçu le prix de la ville de Genève. Et ensuite en Algérie, là je rentre de Corée, donc c'est aussi très fort de voir les réactions dans des pays qui sont plus lointains, où par exemple l'avortement n'est pas encore légalisé, la loi est en train d'être mise en question, mais il est pas encore, c'est pas encore légalisé, et je pense que il y a quelque chose d'assez universel mine de rien, parce que même si les contextes sont très différents, les réactions et les échanges avec le public montrent que il y a quelque chose de je pense d'assez universel dans cette rencontre entre ces deux femmes et de leur engagement. Parmi les images qu'on peut voir, il y a des images qui sont tournées par votre grand-mère et Delphine Seyrig et qui font comprendre qu'elles sont parties aux États-Unis pour tourner. À votre connaissance, elles avaient l'idée d'aller faire un petit peu le tour de plusieurs pays au-delà des États-Unis pour aller à la rencontre d'autres femmes? Oui, bien sûr, elles l'ont fait. Elles l'ont fait surtout, surtout Carole, qui a réalisé plus de 100 films tout au long de sa vie. Et donc, elle est partie, par exemple, en Espagne. L'Espagne franquiste. L'Espagne franquiste, alors que ouais, des jeunes hommes du Pays Basque avaient été exécutés par Franco pour interroger les mères espagnoles. Donc, le film s'appelle « Les mères espagnoles ». Pour recueillir leurs témoignages. Donc, il y a eu cette lutte-là qu'elle a soutenue. Aussi à Chypre, la marche des femmes à Chypre au moment pour cesser les affrontements. Voilà, il y a eu beaucoup de... Elle a aussi appris aux Black Panthers à filmer en Algérie. Voilà. C'était une grand-mère 4x4 quand même. Ah ouais, ça c'est sûr. Vous avez des souvenirs avec elle de conversation, d'entretien sur ça, ou elle était plutôt du genre discrète à pas... Elle n'était pas spéciale... Non, c'était très naturel. On n'avait pas des conversations politiques ou directement sur le féminisme. Elle ne me montrait pas tellement ses films en grandissant. Donc moi, je l'ai connue jusqu'à sa mort, donc j'avais 19 ans. Mais en revanche, elle m'a certainement transmis son féminisme et une certaine force aussi, je pense, puisque je l'ai vue grandir, vieillir aussi jusqu'à sa mort et continuer de réaliser ses films. Elle était toujours à sa table de montage. Il y avait toujours beaucoup de gens qui étaient invités à la maison. Il y avait beaucoup de discussions, de quelque chose comme ça de très généreux, de très ouvert à l'autre. Et ça l'empêchait pas non plus de nous faire des manicures, des pédicures, d'aimer aussi des choses plutôt de l'ordre de la très féminine, de s'occuper de ses petites filles. Donc elle a été une grand-mère absolument géniale. Mais je dirais que son travail, je l'ai vraiment redécouvert par la suite en faisant mes études de sociologie et de gender studies en Angleterre. Et en m'intéressant à ces questionnements-là de façon moins affective, peut-être, et plus dans une approche théorique. Donc, voilà, là, ça a été l'occasion, ce film aussi, d'engager un dialogue avec elle. Redonnez-nous le titre, je vous prie. Delphine et Carole, insoumuses. Merci d'être venue en parler au micro d'Histoire Vivante. Merci à vous pour cette invitation. La semaine prochaine dans Histoire Vivante, il sera question de Milou, du capitaine Haddock, de Tintin et bien sûr d'Hergé, puisque nous parlerons de la Lune. Cette semaine consacrée à Charlotte Delbault était réalisée par Thierry Châtel. Proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté.